Bonjour à tous. Aujourd'hui, crème brûlée aux champignons de Paris pour 4 personnes. 300 g de champignons de Paris bien blancs, 2 échalotes hachées, 1 demi-litre de crème entière, 10 centilitres de lait entier, 5 jaunes d'œufs, du sel et du poivre et 25 g de sucre roux. Faire une duxelle de champignons, champignons hachés plus échalotes, faire suer avec un peu d'huile d'olive, réduire à sec, assaisonner, puis partager dans 4 pots à crème brûlée. Travailler les jaunes avec le lait plus la crème, assaisonner, verser l'appareil sur la duxelle, cuisson bain-marie 120 degrés 30 minutes, après cuisson mettre au frais. Au moment de servir, caraméliser avec le sucre roux au chalumeau. Un petit vin conseillé, un rosé de Provence à boire avec modération.